Le Grand Réveil, c'est déjà fini. Merci Corentin, Alice et Nicolas. On espère que ça vous a plu et qu'ils vous ont aidé à bien commencer la journée. Studec Web, troisième journée radio, c'est la dernière sur Studec Web. Are you ready? On est en pleine forme ce matin, on est prêt pour le tour d'horizon sportif puisqu'on retrouve tout de suite l'équipe des titulaires. Johan Bredo et toute son équipe sur la ligne de départ, c'est parti pour le journal des sports. Bonjour les garçons. Johan Bredo et ses titulaires sur Studec Web. Et bonjour Axel, bonjour Pascal. Au sommaire de ce journal, la Ligue des Champions évidemment, et on fera un retour sur le choc d'hier entre le FC Barcelone et Chelsea. Ensuite, on s'intéressera au tennis avec le tournoi d'Indian Wells. Il n'y a plus de Français en lice et le bourreau se nomme Roger Federer. Le numéro 1 mondial est en forme et a éliminé Jérémy Chardy. Ensuite, on reste aux States et la NBA, les playoffs sont en vue pour les franchises. On fera un point sur les matchs de cette nuit. Et avant de conclure sur journal, pas les rendez-vous à ne pas manquer. Aujourd'hui, on débattra à propos de la liste de Didier Deschamps. Elle arrive à 14h et particulièrement, on débattra sur les intouchables du sélectionneur. Johan Guillet, Antoine Ballet et Quentin Martel parleront des alternatives possibles. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour capitaine. Et chose promis, chose due, on commencera par le foot et la Ligue des Champions. Barcelone accueille Chelsea en 8e de finale retour. En ballotage favorable après le match nul un partout obtenu à Stamford Bridge, les Barcelonais ont rapidement pris les devants dans ce match pour s'imposer 3-0. Malchance devant, les Blues peuvent avoir des regrets. Antoine, tu as vu le match, tu en as pensé quoi? Eh oui, le suspense n'aura pas été long. Moins de 3 minutes ont suffi à Lionel Messi pour ouvrir le score. Il faut le dire, bien aidé par une défense de Chelsea incapable de se dégager. 17 minutes plus tard, Messi encore lui et face à lui seul toute la défense des Blues. Il sert Ousmane Dembélé qui seul face au but ne laisse absolument aucune chance à Thibaut Courtois. Les 20 minutes ont donc suffi au Barça pour s'offrir un avantage quasiment décisif. Messi rayonne, Iniesta et Rakitic combinent. Derrière, Umtiti éteint Olivier Giroud. Mais après ce premier quart d'heure complètement réussi, les Blues vont sortir la tête de l'eau. Hazard décroche et vient s'intercaler dans le milieu à deux, encore perfectible des Catalans. Rakitic et Busquets retrouvent parfois le réflexe de 4-3-3 et laissent de l'espace aux Belges. Mais un Fabregas peu inspiré, un Giroud en retard en phase offensive et surtout un manque de réussite. Avec 4 montants sur la double confrontation, ont eu raison les espoirs des Blues. Le troisième but, créé et fini en solo par Messi, éteint les hommes de Conte. L'addition aurait même pu être plus salée sans Courtois, décisif devant Paulinho. Le score, est flatteur, mais Barcelone est en quart de finale. Et le Barça rejoint donc le Bayern, facilement qualifié pour le tour suivant face au Beşiktaş, 8-1 au total des deux matchs aller-retour. En Ligue 1, le leader du championnat à Paris s'est imposé en match avancé face au SCO d'Angers. Et malgré son équipe réduite à 10, Mbappé, auteur d'un doublé, a été l'homme du match. Paris prend donc 16 points d'avance sur Monaco. En Serie A, la Juve, en s'imposant face à l'Atalanta, prend une option sur le titre avec 4 points d'avance sur Naples. Je vous propose tout de suite de passer au tennis et suite du Master 1000 d'Indian Wells avec les 8e de finale. Le tenant du titre et numéro 1 mondial, Federer, a battu Jérémy Chardy cette nuit en 2-7 et rien ne semble pouvoir arrêter le Suisse, Johan. Effectivement, et c'est une voie royale qui s'ouvre à Roger Federer et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que la concurrence est évaporée rapidement cette année à Indian Wells. Out les Djokovic, les Cilic, Eisner et Berdic. S'ajoutent à cette liste les blessés qui n'ont pu être présents pour ce Master. On pense notamment à Nadal, à Murray et à Wawrinka. Mais c'est aussi surtout parce que Roger est en forme olympique cette année. À 36 ans, le Suisse est toujours invaincu en 2018. Il n'a pas perdu un seul set depuis le début du tournoi et n'a même concédé aucune balle de break contre Jérémy Chardy qui pourtant est loin d'avoir fait une mauvaise partie en perdant 7-5-6-4. Et Roger rencontrera le Coréen Chung en quart, adversaire qu'il connaît déjà. Oui, Chung qui est la révélation de ce début d'année, premier master pour lui et premier quart cette année déjà pour son premier tournoi du Grand Chelem. Il s'est hissé en demi-finale de l'Open d'Australie où il a été malheureusement contraint d'abandonner et c'était déjà contre Roger Federer. Et on va tout de suite, on reste aux États-Unis, on va passer à la NBA. Le match phare de la nuit en NBA c'était Boston-Washington, deux équipes très bien classées et un gros choc en vue des playoffs, Quentin. Effectivement Johan, Boston 2e de la conférence Ouest et Washington 5e nous ont offert un très bon match de basket cette nuit. Il a fallu deux prolongations pour départager ces deux équipes. Score final 124-125 pour les Wizards dans le TD Garden des Celtics. Le héros de ce match, c'est Jody Mix. Invisible pendant tout le match, il a mis les 3 points de la gagne. L'homme fort de Washington, Bradley Beal, a planté 34 points, 7 rebonds et 9 passes décisives. Et côté Boston, Marcus Morris met 31 points et 9 rebonds. Une victoire au forceps de Washington face à une équipe de Boston amputée de ses meilleurs joueurs comme Irving ou Horford. Et c'est surtout une victoire qui leur permet de se placer 4e au classement en doublant Cleveland. Pour le moment, des pointures comme Houston et Golden State sont sûres d'être qualifiées et le reste est encore indécis et c'est ce qui fait la beauté de ce sport et de cette saison. Et je rappelle que les playoffs débuteront le samedi 14 avril et je vous propose tout de suite de passer au débat. Et oui, jingle spécial pour le panel tweet. On trouve un tweet qui lance notre débat tout simplement et celui-ci est lié aux intouchables. Je vous rappelle que la liste de Didier Deschamps arrive à 14h et je vais vous lire le tweet qui a attiré notre attention. C'est une photo de Didier Deschamps et c'est écrit « Attaquant » et c'est la surprise Ben Yedder. Et non, et pas Benzema. Voilà, évidemment, bon, la référence à Benzema, on la voit. Mais on peut voir aussi plus loin parce que Ben Yedder est attendu par beaucoup de passionnés de football. Et donc je vous ai demandé un peu mes titulaires les intouchables de Didier Deschamps. Il y en a qui sont intouchables, on le sait, des joueurs qui on ne pourra pas les déloger. Et Johan, toi tu en as choisi un. Oui, moi mon choix se porte sur Paul Pogba, tout simplement parce que depuis qu'il est à Manchester, il est très loin de son niveau sous le maillot de la Juve. Et il a un côté trop star, je ne veux pas juger, mais on a vraiment l'impression que le côté star avec ses Pog basket, Pog maison, tout ça, est en train de prendre le pas sur le footballeur talentueux qu'il est. Et en équipe de France, il manque toujours, il lui manque en tout cas lui ce supplément d'âme qu'il devrait donner par son côté leader et son profil totalement complet. Et mon alternative pour moi est Corentin Tolisso. Alors forcément, je ne suis pas allé chercher un joueur qui sort de nulle part. Il n'est pas possible de se passer de Pogba. Donc, étant donné qu'il n'est pas possible, on peut le mettre sur le banc parce que pour moi, s'il est intouchable, c'est parce qu'il manque de concurrence. Et Tolisso, pour moi, a tout pour être le concurrent parfait. Il est complet, il est technique, il ne déçoit rarement, que ce soit avec le Bayern ou avec l'équipe de France. Tolisso, pour moi, peut être le vrai concurrent de Paul Pogba. Et on rappelle aussi que Tolisso a été blessé. Antoine. Ah, c'est sûr que Tolisso est plus simple que Pogba. De mon côté, j'ai plutôt choisi de parler de Moussa Sissoko, homme de base de Deschamps depuis ses débuts, même si bon, il n'était pas de sa première liste. Il compte quand même 53 sélections, 50 sous Deschamps. Parfois utilisé comme box-to-box, parfois comme ailier. Faut dire qu'on n'a jamais vraiment compris son réel poste. Alors oui, c'est un briseur de ligne, mais il n'est pas vraiment décisif. Il a marqué que 2 buts. Ok, il m'a fait me tromper pendant l'Euro parce que ça a été un des meilleurs pendant la finale. Mais il prend sa réelle mesure vraiment dans un jeu de contre-attaque et ça colle pas du tout avec le plan de jeu depuis l'Euro avec le 4-2-3-1. Pour moi, il doit être remplacé dans le groupe par un joueur qui est aussi physique, plus technique, plus à même de combiner avec ses partenaires, Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele. Et toi, Quentin, tu t'es intéressé au vrai intouchable, c'est Olivier Giroud. Oui, tout à fait. Olivier Giroud, c'est l'incompris des Français. C'est le joueur qui marque beaucoup, mais qui ne plaît pas au public français. C'est un jeu très intéressant, un profil atypique, un pivot atypique, il faut le dire. Et il a une très très bonne entente, surtout avec Griezmann, notre meilleur joueur en équipe de France. Ça reste très important. En attendant, voilà, il marque beaucoup de buts. C'est le 7e meilleur marqueur de l'histoire des Bleus. Il a fait un très très bon Euro 2016. Il a la confiance du coach, une très bonne mentalité et il s'inscrit dans le 4-2-3-1. Il a vraiment son rôle à jouer. Et comme doublure, je mettrai Ben Yedder qui réalise de très bons matchs avec Séville. Il a qualifié son équipe en quart finale de Ligue des Champions. Il en est devenu le meilleur buteur de Coupe d'Europe et pour moi, il doit être appelé. Et donc, je vous rappelle aussi la liste de Didier Deschamps, c'est à 14h et c'est le rendez-vous à suivre aujourd'hui, ainsi que la Ligue Europa ce soir avec l'OM et Marseille. Merci les titulaires et je redonne la main, le micro à Pascal et Axel. Merci les garçons. Prochain rendez-vous sportif avec Evan Guilmoto, c'est à 10h50.